FrenchPod.com. Bonsoir à tous. Demain matin, le ciel sera dégagé avec quelques nuages dans le sud. On attend quelques orages dans le sud-ouest et peut-être de la grêle. L'anticyclone des Açores apportera des vents forts au nord, où il fera nettement plus frais et où on prévoit des giboulées. En Alsace, on attend même du verglas dans la matinée. Les températures resteront dans la moyenne saisonnière. Quant à la qualité de l'air, elle sera moyenne en région parisienne. Partout ailleurs, elle sera très bonne.